dans un petit coin de la ferme voisine. Mon petit cousin et ma petite cousine, sur les bottes de foin, conduisent des limousines en faisant coin-coin comme la sirène de l'usine. Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack.